merveille ne se rend pas. Seul dans le maquis, braqué par je ne sais pas qui. Les chargeurs claquent, les branches craquent, ils sont un paquet. Ils ne savent pas que pour la gâche, je suis prêt à partir. Rester par terre, artère ouverte et que mon sang pisse partout. Je m'en cogne comme John Jackson, le code de survie. À mon avis, qui en veut à ma vie sera servi. Je bloque l'accès, je bosse, je suis pas là pour me relaxer. Les ennemis en frac sont sous qui veut me tuer, n'ira pas me faxer, dis-leur. SOS, je lance un SOS. Laissé pour mort aux alentours, il n'y a aucune phase que je connaisse. Putain, je suis vexé. Blessé en liaison interrompue, sur le cahier des charges, apparaît comme porte. T'es disparu. Des soldats ouf. Exclus de service ou surentraîné. Veulent mettre un point final à toute ma génération sacrifiée. Je fais dans le premier degré, de force ou degré. Quitte à quitter cette terre, je finirai pas comme un chien sans terre. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie et yo, flalom qui slalom, Fredo l'agent double. Je veux de l'eau pure pour la gâte, mais y'en a trop qui la rendent trouble. Donc, j'applique le mot d'ordre, face à tout en homme, tiens-toi. La descendance arrive, le but, faut la mettre bien quoi. Déjà qu'y'a pas de taf, en plus j'ai pas la bonne tête. Qu'est-ce tu peux faire? Comme une bombe, il faut que l'album pète. Un jour, on pousse à croire que la vie n'a plus de sens. Pour la gâte, je meurs, face à moi, peu importe la puissance. Ces chiens veulent notre peau, mais pourquoi? Y'a plus de diversion. Pour l'instant, des hommes armés nous pissent, faut que je fasse diversion. Heureusement, si dans la cité, j'ai été nourri au guet-apens. Dans le noir, métal d'un coq scintille. Dieu merci, je le guette, attends. J'attrape un des complices, me serre comme un pare-balles de son corps. Sa plume glisse entre les doigts, mais je veux pas me faire reste encore. Seigneur. On peut me réduire au silence, à croire devant la mort, faut se taire. Mais ma force de frappe n'est pas celle de l'âme dans mon holster. Peu importe la puissance, putain, blaireau, tu piges pas. C'est la brigade, fils. Cerval, hein, ouais. Dans les égorgeurs de poussinés. Non pas, pas flarage du de fossé. La gâte meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend la pas. La gâte meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Meurt mais ne se rend pas. La gâte meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La gâte meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Meurt mais ne se rend pas. Sentinelle mandatée d'un syndicat. Syndicat c'est hors norme, superforme. Ma homme, on m'a donné 10007. Quartier de match crève, faut que ça serve aux miens. J'insère nos biens. Un système monétaire distinct des jamais distants des miens. On tend la main en vue d'un butin, plus d'un convoite. Putain, pestil l'homme, résilie l'homme depuis l'aube des temps. Mourir pour mourir ici bas. Putain, regarde, on crève pour rien. Et si les miens tombent si bas, c'est con pour rien. Comment espérer pour demain? Et qu'est-ce qui me retient sur terre? Rien, c'est le fait de lutter contre ça. Clair, comme le fait que je fais partie des bons connoisseurs. En premier, car si on peut vivre en paix, je dois me renier. Jamais, l'État un assassin. Et s'ils veulent nous crève, y'aura bataille sans trêve. Gade meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurt mais ne se rend pas. La gade meurt mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne casse pas, ne plie pas. Meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. Meurs mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas. Meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. La gâte meurs mais ne se rend pas. La gâte meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. La gâte meurt mais ne se rend pas. J'écris meurt mais ne se rend pas. 9 dans l'air. La brigade ne se rend pas. En 9-9. La gâte meurt mais ne se rend pas.